Book 2 83 83 الماضي 3 passé 3 passé 3 يتصل تليفونيا téléphoner téléphoner لقد اتصلت تليفونيا j'ai téléphoné j'ai téléphoné لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت j'ai téléphoné tout le temps j'ai téléphoné tout le temps يسأل demander demander لقد سألت j'ai demandé j'ai demandé لقد سألت دائما j'ai toujours demandé j'ai toujours demandé يحكي raconter raconter لقد حكيت j'ai raconté j'ai raconté لقد حكيت كل الحكاية j'ai raconté toute l'histoire j'ai raconté toute l'histoire يتعلم étudier étudier لقد ذاكرت j'ai étudié j'ai étudié لقد ذاكرت طوال المساء j'ai étudié toute la soirée j'ai étudié toute la soirée يشتغل travailler travailler لقد اشتغلت j'ai travaillé j'ai travaillé لقد اشتغلت طوال اليوم j'ai travaillé toute la journée j'ai travaillé toute la journée يأكل manger manger لقد اكلت j'ai mangé j'ai mangé لقد اكلت كل الطعام j'ai mangé tout le repas j'ai mangé tout le repas